poule qui pond tous les matins. Colin a qu'une poule qui pond tous les matins. Est allé faire sa ponte dans la cour à Martin. Tu l'entends pas mon lanlir, tu l'entends pas mon latin. Tu l'entends pas son lanlir, tu n'entends pas son latin. Est allé faire sa ponte dans la cour à Martin. Est allé faire sa ponte dans la cour à Martin. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Tu l'entends pas mon lanlir, tu l'entends pas mon latin. Tu n'entends pas son lanlir, tu n'entends pas son latin. On en fit une bonne soupe pour le dimanche au matin. On en fit une bonne soupe pour le dimanche au matin. Tout le monde de la paroisse sont venus tremper leur pain. Tu n'entends pas mon lanlir, tu l'entends pas mon latin. Tu n'entends pas son lanlir, tu n'entends pas son latin. Ainsi que monsieur le curé qui est venu tremper le sien. Ainsi que monsieur le curé qui est venu tremper le sien. Des mains de jusqu'au coude, des coudes jusqu'au rein. Tu n'entends pas mon lanlir, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas son lanlir, tu n'entends pas son latin. Jusqu'au coude, des coudes jusqu'au rein. Des mains jusqu'au coude, des coudes jusqu'au rein. Il ne put dire sa messe le lendemain matin. Tu l'entends pas mon lanlir, tu l'entends pas mon latin. Tu n'entends pas son lanlir, tu n'entends pas son latin. Il ne put dire sa messe le lendemain matin. Il ne put dire sa messe le lendemain matin. Pour toutes ces petites vieilles qui ont tant de besoins. Tu n'entends pas mon lanlir, tu l'entends pas mon latin. Tu n'entends pas son lanlir, tu n'entends pas son latin. Poule qui pond tous les matins. Colin a une poule qui pond tous les matins. Est allé faire sa ponte dans la cour à Martin. Tu l'entends pas mon lanlir, tu l'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon lanlir, tu n'entends pas son latin.